Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Bienvenue sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Vous êtes en onde avec Tania Baudin pour la prochaine heure dans le cadre de l'émission En piste avec Tania Baudin. J'espère que vous allez super bien. Moi, personnellement, je vais bien, mais je commence à penser que je me promène ou que je me tiens beaucoup trop avec Mathieu Plante, un de mes co-animateurs ici à la station, parce que j'ai l'impression que depuis quelques temps, je file tout le temps malade comme quelques semaines après que Mathieu file malade. Fait que d'après moi, Mathieu puis moi, on se tient trop souvent ensemble. Soit ça, ou c'est les allergies, mais à part de ça, tout va bien. Alors, surprenez-vous pas si on prend peut-être un petit peu plus de pause musicale durant l'émission aujourd'hui. C'est simplement parce que Tania va avoir besoin de se moucher à quelques endroits dans l'émission. Si on veut éliminer le pollen, s'il vous plaît, Mère Nature, ça serait vraiment super, du moins pour ma santé nasale et pour la santé des oreilles des auditeurs, ça serait vraiment merveilleux. Alors, de ce côté-là, bienvenue dans l'émission. Une autre semaine avec En piste avec Tania Baudin. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine et que plusieurs d'entre vous étaient sur différents circuits du monde du sport automobile un petit peu partout dans le monde, parce que mon Dieu, ça c'était pas simplement au Canada ou au Québec que ça s'est passé en fin de semaine. Je pense que vraiment partout sur la planète, le dernier week-end, ça bougeait partout en même temps. On se rappelle, il y avait de la Formule 1, il y avait les 24 heures du Mans... Ça l'a roulé aussi du côté de Saint-Eustache, ici un petit peu plus près de chez nous. Alors de ce côté-là, ouais, grosse fin de semaine. Et comme à chaque semaine, bien je vais vous faire un petit peu un récapitulatif de tout ce qui va se passer durant la prochaine heure entre nous. Alors bien évidemment, je vais faire le retour sur le week-end dernier. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde du sport automobile? Qu'est-ce qu'on a pu voir? Qu'est-ce qui a pu se passer aussi? Peut-être quelques petites interrogations ou du moins peut-être des grosses surprises qui sont arrivés durant le week-end. Ça a vraiment beaucoup bougé. Alors, le retour sur le week-end, je pense que ça fait partie quand même d'une bonne partie de l'émission. Et c'est toujours bien le fun de faire un petit retour sur ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y en a qui n'avaient pas la chance de pouvoir savoir toutes les séries qui coursaient. Alors, moi, j'aime particulièrement ce segment de l'émission. Aussi, on va parler d'une surprise... Peut-être pas une surprise, du moins un projet qui est sorti hier un petit peu partout en soirée sur les médias sociaux et dans les journaux, dans les magazines, tout ça. L'équipe NASCAR Québec, mais qu'est-ce que c'est? Alors un petit peu plus tard, on va en discuter. Et aussi plus tard dans l'émission, eh bien, on aura une entrevue téléphonique. Si tout fonctionne bien, et si Alex Labbé est toujours disponible, eh bien, on parlera au pilote de la série NASCAR Pinty's, Alex Labbé, qui devrait être avec nous un petit peu plus tard durant l'émission. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, bienvenue à En piste avec Tania Baudin. J'ai fait un temps de pause peut-être un petit peu plus long qu'à l'habitude, mais comme je vous disais en début d'émission, c'est simplement parce que mes narines ont besoin d'être mouchées à plusieurs reprises durant l'émission. Merci, allergie. Alors, sans plus tarder, eh bien, on va commencer tout simplement à faire le retour de ce qui s'est passé dans le monde du sport automobile cette fin de semaine. Comme je le disais tout à l'heure, ça a beaucoup bougé partout, alentour du globe terrestre. ça l'a roulé, c'était le Grand Prix d'Europe du côté de Bakou. J'espère que je l'ai dit comme il faut. Là. Je suis désolée si je le dis mal. Faites-moi signe si jamais je ne le dis pas correctement. Mais ça a quand même bougé de ce côté-là aussi. C'est Nico Rosberg qui a remporté l'épreuve et il y a un pilote, entre autres, qui a vraiment fait beaucoup jaser. C'est Checo Pérez qui en était, je pense, à son deuxième podium en carrière en Formule 1. Il a été voté meilleur pilote avec la meilleure progression durant l'événement du côté de Bakou, du côté du Grand Prix de l'Europe. Alors, félicitations à lui, hein. C'est rare qu'on va le voir comme ça, se démarquer. C'est rare qu'on va voir souvent des pilotes d'écurie peut-être moins grosse que celle, mettons, de Mercedes, de Ferrari. Puis tout ça se démarquait à un point tel. Mais là, vraiment, on y a été à pleine puissance cette fin de semaine du côté de Checo Pérez. Et ça l'a vraiment porté fruit parce que c'est le public lui-même qui a voté pour le pilote sur le site Internet de la Formule 1. C'est comme une nouvelle section, ça, en 2016, de pouvoir voter pour le pilote qui se démarque le plus durant le week-end d'un Grand Prix. Alors, pour Checo Pérez, je pense que ça va peut-être lui donner un petit boost, justement, à pouvoir continuer à se démarquer comme ça. On avait discuté plusieurs fois durant les dernières semaines du même oomph qu'on avait eu peut-être autour de Max Verstappen, de certains pilotes qui font pas peut-être nécessairement tout le temps parler d'eux, comme exemple Sébastien Vettel ou Lewis Hamilton. On le sait, c'est des noms qui reviennent assez souvent. Alors de ce côté-là, de voir de nouveaux visages dans les journaux du monde du sport automobile, parfois du côté de la Formule 1, c'est vraiment intéressant parce que oui, c'est quand même assez rare qu'on va entendre parler des autres que simplement ceux qu'on voit à chaque année et quasiment à chaque fin de semaine sur les podiums. Alors de ce côté-là, je trouve que ça donne vraiment un bon air d'aller et ça donne aussi, comme on dirait, un peu de coverage pour ces gars-là. Hein? Ça leur donne de la viande autour de l'os, disons ça comme ça. Ça leur donne peut-être l'exposure qui manque durant la saison complète, lorsqu'ils sont pas nécessairement capables de se démarquer à un tel point. Mais du côté de Checo Pérez, vraiment, on a fait parler beaucoup de nous à cause de ça. Les fans ont beaucoup aimé sa performance, alors félicitations Checo Pérez. Et j'avais comme le goût de discuter maintenant du classement 2016 des pilotes, parce qu'avec cette victoire, sachez que Nico Rosberg a repris les devants devant Lewis Hamilton au classement général. Alors, Nico Rosberg se retrouve avec 141 points et Lewis Hamilton, tout juste derrière, bien évidemment. Personne n'est surpris. Mais Lewis Hamilton, lui, en est à 117 points. Alors, de ce côté-là, je pense qu'en fin de semaine, ça a vraiment été crucial pour Nico Rosberg de pouvoir gagner cette épreuve-là devant Lewis Hamilton. Et ce qui me fait très, très rire, je vais en discuter aussi tout à l'heure dans le tour du web, mais il y a un site Internet que j'aime particulièrement et c'est, par rapport à la Formule 1, c'est le WTF1, comme What the fuck F1, pour ceux qui se posent la question. Mais c'est vraiment ça, et c'est souvent des articles ou bien des vidéos assez comiques, merci, qui se produisent durant une fin de semaine de Formule 1 et qu'on n'a peut-être pas l'occasion de voir sur la fameuse télévision F1 qui est diffusée un petit peu partout. Et ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'après la victoire de Nico Rosberg du côté du Grand Prix d'Europe, Nico Rosberg était même pas capable lui-même de réaliser qu'il avait gagné. Il s'est auto-frappé. Oui, c'est si jamais ça vous intéresse, je pense que je vais le mettre sur la page Facebook d'En Piste avec Tania Baudin. Mais on voit vraiment une vidéo où Nico Rosberg voit se regarde sur un écran avant d'aller sur le podium et il se voit prendre le drapeau à damier et terminer en première position, bien évidemment. Alors de ce côté-là, Nico Rosberg, on dirait qu'il y a comme une phase ou une fuse qui a sauté, mais Nico Rosberg se donne un coup en plein visage. C'est ça. C'est bizarre quand même, c'est bizarre. Mais bon, Sébastien Vettel au classement général 2016 présentement est troisième avec 96 points. Alors, on est quand même assez loin, mais on sent que ça revient tranquillement pas vite. Hein. Il y a quelques années, c'était la folie, Sébastien Vettel. C'était le pilote à regarder. Par la suite, Lewis Hamilton a repris les devants. Là, je pense que Sébastien Vettel a commencé à se dire, là, il est temps que je revienne aux bonnes places. Et je pense que ça se passe quand même assez bien de son côté. Alors, j'ai bien, bien hâte de voir le restant de la saison du côté de Sébastien Vettel. On va y aller pour un top 5, mettons, du classement général des pilotes en Formule 1. Kimi Raikkonen est quatrième présentement. Et Daniel Ricciardo complète le top 5 de ce côté-là. Bon, je vais y aller avec la sixième position parce que je pense que j'ai un penchant pour le plus jeune pilote qui est Max Verstappen. Il est sixième au classement. C'est quand même super bon. J'ai hâte de voir de quoi il est capable encore plus. Ça fait quelques fois que je le dis. Je pense que je mets beaucoup d'espoir dans Max Verstappen, mais j'ai hâte. J'ai hâte qu'il me démontre que j'ai raison de mettre autant d'espoir en lui et en son talent. C'est un pilote j'ai connu dans le monde du karting. Alors, j'espère vraiment que Max Verstappen va avoir l'opportunité de nous montrer de quoi il est capable. Mais quand même, super bon top 5. C'est sûr que les trois premières positions, tout le monde savait très bien que ça allait être ça depuis vraiment longtemps. Nico Rosberg, Lewis Hamilton, Sébastien Vettel. C'est un incontournable, je pense. C'est un peu comme dans le temps où que Michael Schumacher coursait en Formule 1. Bien évidemment, il se retrouvait tout le temps au classement général, lui aussi, très, très haut dans le classement. Mais j'ai hâte de voir si ça va continuer comme ça pour Nico Rosberg et pour Lewis Hamilton. Mercedes, très, très, très dominant jusqu'à présent. Mais j'ai hâte de voir jusqu'où Ferrari et Sébastien Vettel va pousser la machine pour arriver à quelque chose et peut-être détrôner un des deux. De Mercedes? Je sais pas si c'est possible. J'aimerais ça. Et j'aimerais ça surtout pour la technologie derrière, pour l'effort d'équipe. Alors, si vous êtes comme moi, bien, rappelez-vous que vous faites toujours me partager vos opinions sur la page Facebook d'En Piste avec Tania Baudin ou encore sur ma page publique Tania Baudin. Faites-le, j'adore ça vous lire, puis c'est souvent très plaisant d'avoir une conversation justement sur une passion qu'on a ensemble. Du côté de Saint-Eustache, il y avait la série Nissan Micra. Encore une fois, on fait beaucoup parler du côté de Kevin King. On l'a eu en entrevue il y a quelques temps dans l'émission après un accident qui avait eu lieu à Calabougie. Il nous disait qu'il avait eu la chance d'avoir une nouvelle voiture d'un de ses commanditaires. Il se sentait prêt, il se sentait d'attaque pour la prochaine épreuve qui justement était du côté de l'autodrome Saint-Eustache. Alors, il a très, très bien performé. C'était les 5e et 6e étapes de la Coupe Nissan Micra Canada. Et ça a été... Ça a été présenté du côté de l'autodrome Saint-Eustache, comme je vous disais. Alors, il faisait très, très chaud en fin de semaine, hein, du côté du Québec, pour ceux qui nous écoutent de l'Europe. Salutations à vous, en passant. Mais il faisait très, très chaud ici au Québec. Alors, de ce côté-là, j'ai l'impression que ça a peut-être donné un avantage aux pilotes. Et chacune des deux manches était précédée de séances de qualification, bien évidemment. Alors, le matin, c'est Kevin King qui a décroché la pole position devant le champion 2015, Olivier Bédard. Et quand est venu le temps de la course, eh bien, au drapeau vert, le peloton a vraiment foncé vers la première chicane. Tout s'est bien déroulé. Aucun accrochage, contrairement à Calabougie, rappelons-nous. Alors, au premier passage, c'est King qui a vraiment mené devant Bédard. On a eu le droit à de belles courses, apparemment. C'est ce qu'on dit sur le site internet de motorsport.com et aussi pole position. Olivier Bédard, qui la semaine dernière nous disait justement que lui aussi veut y aller pour le championnat. Le début de saison a peut-être un petit peu moins bien été. Alors, du côté d'Olivier Bédard aussi, on sent que la machine se remet en place. Olivier est un pilote de talent, lui aussi. Kevin King aussi. Je suis vraiment très contente de ces deux pilotes que j'ai côtoyés depuis que je suis quand même très jeune. Alors, de les voir performer comme ça dans une série aussi polyvalente que la Nissan Micra, c'est vraiment super le fun. Et j'ai hâte de voir comment est-ce que ça va se passer du côté du classement du championnat. Présentement, Kevin King est premier. J'ai hâte de voir s'il va y avoir plusieurs autres batailles entre les deux pilotes. Ce sont des pilotes qui eux-mêmes se connaissent depuis vraiment très longtemps. Alors, je pense que ça va donner un bon spectacle. J'ai très, très hâte de voir la série Nissan Micra débarquer ici, à Trois-Rivières, pour le Grand Prix de Trois-Rivières. On se rappelle, l'année dernière, ils étaient là. Ça a donné tout un spectacle. Je pense que ça a donné une des meilleures courses de la fin de semaine, à cause que le peloton est quand même assez très gros quand vient le temps de débarquer ici au Grand Prix de Trois-Rivières. On a plusieurs inscrits dans la série. Alors, de ce côté-là, quand on arrive, bien évidemment, au coin numéro 1 au Grand Prix de Trois-Rivières, c'est quelque chose qui est difficile pour certains pilotes et c'est vraiment là qu'on va voir la technique, l'habileté de certains pilotes. Et c'est là aussi peut-être qu'on va avoir la plupart du temps des accrochages. Alors, j'ai vraiment hâte. En fait, j'ai hâte que le Grand Prix de Trois-Rivières arrive. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai hâte de voir le nombre d'inscrits qu'il va y avoir cette année. Je me souviens, l'année passée, comme je le disais, il y en avait quand même beaucoup. Alors, j'ai bien hâte de voir comment vont se débrouiller les deux anciens pilotes de karting sur le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières. Ils n'en seront pas à leur première visite sur ce circuit. C'est des gars qui commencent à apprendre le circuit quand même assez très bien. Si je me souviens bien, Kevin King l'a fait aussi en Formule 1600 et en Nissan Micra. Même chose pour Olivier Bédard. Alors, deux séries différentes, deux techniques différentes sur un circuit pas comme les autres, disons-le. Le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières est différent. Alors, j'ai hâte. Là, je ne sais pas si vous entendez mes mains. Attendez. Ouais, je me frotte les mains parce que j'ai vraiment hâte de voir ça. Je sens que ça va être une très belle bataille sur le circuit du Grand Prix. En fin de semaine, il y avait du karting aussi. Ça fait quelques fois que je vous parle de l'APKLQ, qui est l'association de karting loisirs au Québec. C'était du côté du circuit de Château-Richer. Une piste de karting que j'adore. C'est tellement une des plus belles vues d'une piste de karting que l'on peut avoir, sérieusement. Si vous êtes du type à regarder le paysage quand vous êtes à un endroit de sport automobile, si jamais vous n'êtes jamais été du côté de karting Château-Richer, ça vaut vraiment la peine. Tapez-vous la route pour vous rendre. C'est vraiment très, très, très beau. C'est au top d'une montagne. Vous allez voir, c'est vraiment un super beau paysage. Moi, je trippe. Je trippe vraiment sur le dessin de la piste, sur le paysage qu'on voit. On voit l'île d'Orléans au loin. C'est de toute beauté. Et je dois dire que l'APKLQ, oui, c'est une association de loisirs, mais my God, en fin de semaine, il y avait des courses enlevantes. Des courses avec beaucoup de talent. Ça fait quelques fois que je l'ai dit que la PKLQ, c'est vraiment une association pour ceux qui veulent se mettre dans le bain du monde du karting. Peut-être ceux qui veulent être un petit peu moins compétitifs que des grosses séries de calibre qu'on a au Québec ou au Canada au niveau du karting. Mais là, en fin de semaine, vraiment, on n'a pas vu cette espèce de côté loisir-là. Ça a vraiment été compétitif, ça a été rocambolesque aussi. Il y a eu quelques incidents, mais ça a vraiment été super bien fait. Les gars étaient talentueux. C'était vraiment des courses au-delà de certaines séries très compétitives. Alors, j'ai vraiment resté surprise du talent qu'il y avait là en fin de semaine. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de pilotes qui étaient de l'endroit, c'est-à-dire dans le coin de Québec. Il y avait des pilotes qu'on n'avait pas vus depuis un certain nombre de temps. Entre autres, je pense à Étienne Lassalle, qui est un pilote qui a coursé en DD2, mais ça fait, oh mon Dieu, X années qu'Étienne Lassalle course en karting. Alors, de ce côté-là, c'était le fun de voir ces pilotes-là retourner en piste, peut-être simplement pour avoir le plaisir de rouler. Et c'est vraiment ce qui s'est produit pour Étienne Lassalle. Il a terminé deuxième lors de la course de dimanche et on le sentait là. On le sentait qu'Étienne était vraiment content de retourner en piste et j'ai vraiment senti ce côté-là compétitif aussi. Samuel Guérin qui a super bien performé du côté de la catégorie Shifters. Il a dominé toutes les sessions, c'est-à-dire pratique, qualification, pré-finale, finale. Je sens que ce gars-là va... On va devoir garder un œil sur lui. On va devoir regarder et observer sa progression. C'est un pilote qui n'en est pas à ses premières expériences en karting. Il a déjà fait le Florida Winter Tour de son côté. Je pense qu'il fait la Coupe de Montréal aussi, donc le niveau peut-être plus compétitif. Mais de le voir performer comme ça, je pense que ça l'a donné un air d'aller aussi à certains gars qui étaient nouveaux dans la catégorie, d'essayer de le suivre. Et c'est vraiment ce qui a donné le côté compétitif et le côté assez enlevant de la série Shifters en fin de semaine. Ça a vraiment été une belle journée. J'ai eu le plaisir d'animer toute la journée de course et encore une fois, les organisateurs de l'association et les gens de KCR Karting, je tiens à vous remercier personnellement parce que c'est toujours très, très plaisant d'aller vous voir et d'animer à votre superbe belle piste. Voilà. Alors, du côté de la PKLQ, je sens que si ça continue comme ça, ça va peut-être devenir une série où certains gars vont vouloir y aller pour, oui, le côté compétitif qui va y être, mais tu sais, pour avoir du fun, pour rouler pour le fun sans trop se dire je vais-tu être capable de gagner mon championnat à la fin de la saison qui va me donner une passe à tel endroit. Il y a plusieurs séries en karting qui donnent cette opportunité-là de remporter un billet, par exemple, pour un autre championnat avec plus grande envergure. Alors, s'il y a des gars qui veulent tout simplement rouler, oui, ça arrive. Et des fois, on n'a pas vraiment le goût de se casser la tête avec tout ce qui est mécanique, tout ce qui est technique, tout ce qui est « Oh my God, il faut absolument que je la gagne, celle-là, parce que si je la gagne pas, bien, je perds mon billet pour aller à un autre événement. » Alors, de ce côté-là, j'ai vraiment l'impression que l'APKLQ va peut-être devenir, justement, cette... j'ai le goût de dire un peu comme le lapping était il y a quelques années en circuit routier. Ça va vraiment devenir un air familial de « Ben, si tu veux venir, si t'as pas d'autres courses un dimanche, puis que t'as le goût de courser, puis d'avoir du fun, ben, viens. » Puis j'ai vraiment hâte de voir où ça va aller. du côté de la NASCAR Pinty's. Oui, oui, je parle encore de ce qui s'est passé en fin de semaine. C'est pas terminé, je l'ai dit. Il y en a eu beaucoup en fin de semaine, partout. Du côté de la NASCAR Pinty's, c'était du côté de Sunset Speedway en Ontario. Tagliani, qui avait gagné l'année dernière, a regagné l'événement cette année. Félicitations, je pensais pas... je veux pas être méchante, là, loin de là, mais je pensais pas que ça allait se reproduire parce qu'Alexandre Tagliani avait manqué quelques événements en NASCAR pour pouvoir rouler en Indy, pour pouvoir rouler en d'autres séries aussi. Alors, de ce côté-là, je croyais que peut-être plusieurs autres pilotes auraient un avantage supérieur sur Alexandre Tagliani, mais c'est vraiment une piste que lui aime. Il est très, très, très vite sur cette piste-là. Alors, encore une fois, félicitations à Alex Tagliani. NASCAR Pinty's, on va revenir un petit peu plus tard dans l'émission. De toute façon, comme je le disais, on va avoir Alex Labbé. Alors, on va peut-être avoir quelques détails croustillants ou quelques détails sur ce qui s'est passé durant la fin de semaine du côté de Sunset. Et j'ai vraiment très hâte de voir aussi comment ça va se passer du côté de Vallée-Jonction. Je vous l'avais dit, c'est une course qui était censée déjà être produite. Malheureusement, elle avait été remise à cause de la météo. Je pense que c'est il y a deux semaines ou la semaine dernière. Alors, de ce côté-là, on n'a pas pu la faire et ça va être en fin de semaine, là. Ça va être vendredi. Je vais revenir aussi sur la date puis tous les détails un petit peu plus tard dans l'émission. Mais du côté de Sunset, comme je l'ai dit, Tagliani, Jason Hathaway aussi a terminé sur le podium. Jason Hathaway qui est un pilote ontarien avec vraiment beaucoup, beaucoup d'expérience. Puis j'ai comme l'impression que Jason Hathaway, cette année, il s'est dit, là, c'est mon année, j'y retourne, j'y vais avec force, j'y vais avec beaucoup, beaucoup d'entrain. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner de ce côté-là. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, ben tout simplement que c'est toujours très plaisant. Il y a eu plusieurs personnes qui ont posté sur la victoire de Tagliani. Il y aurait eu un incident avec Alex Labbé. Alors, un petit peu plus tard dans l'émission, on va lui demander tout simplement comment est-ce que ça s'est passé et qu'est-ce qui s'est passé, comment a été sa fin de semaine du côté de Sunset. Au retour, on va discuter un petit peu équipe NASCAR Québec. Qu'est-ce que c'est? Mais avant ça, on va aller écouter Chase Rice avec Ready, Set, Roll. Vous écoutez En piste avec Tania Baudin sur les ondes de C'est fou 89 FM. Ready, set, let's roll. Damn pretty girl, you ain't done it again. You're gonna turn it sexy all the way up to 10. I never seen a side ride seat looking so hot. Baby, you rock, hit the spot like a fireball shot. You got me all high head spinning around and around. I'm down if you're down to burn down this town. Ready, set, let's roll. Ready, set, let's ride. Get your little fine ass on the step, shimmy up inside. Slide, girl. Times meet, girl, we can rev it up right till we overheat. Just forget about the time, get your lips on mine. Gotta kiss you, get to know your smile. On your mark, get set. Ready, set, let's roll. Ready, set, let's ride. Get your little fine ass on the step, shimmy up inside. The slide, girl, by my side, girl. Yeah, we can run this town. I can rock your world. We can roll them down, pop them up, cruise around, get stuck. Ready, set, let's roll. Ready, set, let's ride. Get your little fine ass on the step. Shimmy up inside. This slide, girl, by my side, girl. Yeah, we can run this town. I can rock your world. We can roll them down, fall them up, cruise around, get stuck. Pedal to the metal till the sun comes up. let's run this town tonight. Vous êtes de retour à En Piste avec Tania Baudin sur les ondes de CIFU 89.1 FM. Je vous parlais tout à l'heure qu'on allait discuter avec un pilote de la série NASCAR Pinty si tout allait bien, s'il allait être disponible. Eh bien, il est disponible, il est au bout du téléphone avec moi. Alex Labbé, ça va bien? Ça va bien, toi, Tania? Oui, merci. Alex, il y a eu quand même des grosses nouvelles durant la saison morte pour toi. J'aimerais que tu nous en parles un peu. Il y a des contrats qui ont changé. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Ouais, j'ai une grosse nouvelle, dans le fond, en septembre dernier. J'ai su qu'on allait faire, la saison complète. C'est ma première saison à temps plein en NASCAR Pinty's avec l'appui de Can-Am, qui a pas été Cyclops Gear. Donc, non, c'était vraiment une grande nouvelle pour moi. Ça fait longtemps qu'on travaille pour essayer d'avoir un plan pour faire la saison complète en NASCAR. Donc, c'est une grosse saison qui vient de commencer. Bien, justement, tu viens de le dire, ça t'a permis de pouvoir prendre part à chaque événement de la saison. De ce côté-là, comment se déroule ton début de saison pour toi? Ah, ça a vraiment bien commencé. On a commencé le 22 mai à Mossport, Ontario. Mm-hmm. On a qualifié en pole position. On est terminé 5e. On était premier, resté un tour et demi. On avait vraiment de bonnes voitures. On aurait pu gagner, mais il s'est passé une coupe d'affaires en fin de course. Puis ça fait partie des courses. Là, la semaine dernière, on a qualifié 2e. Ça avait encore vraiment bien commencé. On avait une bonne voiture à Sunset, en Ontario. On a finalement terminé 15e parce qu'on a été impliqué dans un accrochage au début de la course. Puis c'est ça, dans le fond, on a démoli la suspension avant-doi de notre voiture. Donc, il a fallu survivre pendant les 225 derniers tours. Ça a été une longue course, mais c'est vraiment... Je suis vraiment content de mon début de saison, pareil, quand même. On a vraiment un bon début de saison. On est, à toutes les fois qu'on est arrivé, on est performant, on peut se battre pour la victoire. Fait que c'est ça qu'on vise. C'est ça qu'on vise vendredi soir avec les Jonctions. Est-ce qu'après cet incident-là, en fin de semaine, tu es quand même confiant pour les prochaines épreuves qui arrivent? Tu viens de parler de problèmes de suspension, puis tout ça. De ton côté et du côté de l'équipe, la confiance est là? Oh, oui, c'est certain. C'est une réparation qu'on ne peut pas faire durant la course. Fait que les gars, ils ont travaillé fort cette semaine. Ils ont dimanche déjà le tour de tout démonté. Ils ont tout remonté ça comme il faut. Donc non, ça va être aussi bon mais meilleur qu'avant. Fait que je suis pas inquiet pour voir les jonctions. Eh bien, justement, en fin de semaine, vendredi, on le sait, c'est une course qui a été remise malheureusement à cause de certaines températures, mais on pourrait appeler ce circuit-là un peu ton circuit maison. Là. C'est un peu comme le tien. L'année dernière, ça a super bien été. T'as mené la course, je pense que c'est 110 tours exactement, où ça a été toi qui as mené. T'avais décroché la pole position. Confiant pour un fin de semaine? Oh oui, je suis vraiment confiant. C'est pas mal ma piste locale. C'est la piste la plus proche de chez moi, puis la piste que je course le plus souvent. Donc j'aime vraiment ça aller là. Puis comme tu disais, l'année passée, on a quelqu'un pour la position. On a lidé pas mal de tours, on a fini 2e. Et là, cette année, on a une couple de trucs qu'on a améliorés sur le tour comparé à l'année dernière, des tours qu'on avait améliorés. Puis je pense que je suis vraiment à l'aise sur ce circuit-là. Donc ça l'augure bien, c'est sûr. Pour voir les jonctions. Mm-hmm. Et du côté de la saison 2016, c'est quoi vraiment tes attentes? Est-ce qu'on y va pour le championnat? Est-ce qu'on essaie de faire un top 5? À quoi est-ce que vous vous attendez du côté de l'équipe? Ah, c'est certain que cette année, on vise le championnat. Surtout que le début de saison qu'on a eu, ça vient de confirmer nos buts. Dans le fond, on voulait s'améliorer sur ce circuit. On est arrivé à Mossport la première course, on a quelqu'un pour la position, puis on a mené un bon nombre de tours. Donc, bien sûr, le circuit ovale, on a tout été assez compétitifs, même si on ne faisait pas le calendrier complet. Toutes les sorties qu'on faisait, on pouvait se battre pour la victoire. Donc, non, on vise le championnat. Je pense que c'est toujours notre but. On est 5e au championnat. On a reculé un petit peu la semaine dernière à cause de l'accrochage, mais ça fait partie des courses. Tout le monde va en avoir des bad luck. On va espérer que les bad luck nous lâchent un peu. Ça fait deux courses en ligne qu'on a vraiment une bonne voiture, mais qu'on n'est pas capable de finaliser, donc on va s'en prendre en fin de semaine, je suis pas inquiet en tête. Est-ce que ça ajoute peut-être un stress pour cette fin de semaine, ces fameuses deux bad luck-là? Ouais, oui puis non, comme c'est une nouvelle course, une nouvelle fin de semaine, je pense qu'il faut pas pouvoir penser à ça parce que les malheureux des incidents comme ça, on peut pas vraiment prédire, tu sais, même si on voudrait prédire, d'après moi, on pourrait juste se rempirer puis se mettre une pression plus aux épaules, donc non, je pense qu'on comme je dis, c'est une nouvelle fin de semaine, bon, on va repartir à zéro. Et du côté de ton été, je sais que l'année dernière, tu jonglais entre plusieurs séries quand même. Il y avait la CT, oui. Il y avait la NASCAR Pinty's. Est-ce que c'est la même chose cette année? Est-ce qu'il y a plusieurs séries dans ton calendrier? Oui, dans le fond, je vais faire trois séries. Je fais la NASCAR Pinty's à temps plein. Je vais courser quand même en ACT, mais je fais seulement 7 ou 8 courses dans les calendriers canadiens et américains. Donc, on fait moins de courses ACT, on fait plus de courses NASCAR, puis on fait deux courses en série pass. Donc, non, je fais encore pas mal de séries. Je reste actif. Je reste pas mal actif. Comme ce week-end, dans le fond, je course vendredi soir à Vallée-Jonction, puis on course samedi soir avec la rue à Montmagny. Donc, ça va être une grosse semaine pour moi. Est-ce que ça ajoute une espèce de challenge de plus d'avoir un gros calendrier comme ça? Est-ce que c'est plus difficile pour toi de rester focusé? Non, je pense que ça m'aide d'un côté. Je pense que ça peut juste... Le plus souvent que je vais être assis dans un auto de course, le mieux que... Le moins de temps que ça prend à m'adapter à n'importe quelle condition. Comme là, j'ai une couple de nouvelles pistes que je vais aller comme les pistes de l'Ouest canadien, on y a jamais été, donc ça... Faut que je m'adapte assez vite. Donc, non, je pense que c'est une bonne manière de me pratiquer à m'adapter le plus rapidement possible. Je pense que moi, je vois ça pour un plus, puis c'est ma passion, puis c'est ça que j'aime faire, piloter. Fait que ça me... Je suis pas mal sûr que c'est un avantage. Puis du côté, c'est drôle à dire un peu, mais du côté entraînement physique, ça devient un peu pas mal ton horaire du temps chargé, là, chaque série. Est-ce que pour toi, tu as comme un entraînement physique pour te préparer à chaque série différente? Oui, c'est certain que je me tiens en forme, surtout sur le plan cardio. Je fais de l'entraînement, dans le fond, plus pour le cardio, vraiment. Puis on a tout le temps des longues courses, essayer de m'adapter le plus possible à la chaleur. C'est surtout l'hydratation puis la nutrition, la manière à quoi tu manges avant la course pour être sûr de bien digérer. Puis parce que c'est des longues courses comme la fin de semaine dernière à Sunset, on avait un 300 tours en fin d'après-midi au gros soleil au-dessus de 30 degrés Celsius. Donc ça fait des bonnes journées. Il faut vraiment que tu t'hydrates bien et que tu sois au maximum de ta forme, c'est sûr. Puis de ce côté-là, justement, en temps normal, durant la série NASCAR Pinty's, ça va arriver à plusieurs reprises que les courses vont arriver en plein après-midi, justement, pleine chaleur comme ça. Cette fin de semaine, par contre, le drapeau vert va être donné à 8 heures le soir. Est-ce que ça change quelque chose pour toi? Parce que durant la journée, bien évidemment, la piste est beaucoup plus chaude. Est-ce qu'il y a une espèce de défi à ce niveau-là? Oui, c'est sûr que... Moi, je suis habitué à toutes les fois qu'on course à la Vallée-Jonction, c'est pas mal sur ce même sorte d'horaire-là. Okay. On pratique, on qualifie au soleil. La température de la piste est pas mal plus chaude, puis on course quand la piste est plus fraîche et plus froide. Donc, c'est sûr qu'il y a des ajustements mineurs à faire après les suspensions, après l'ajustement de l'auto. Mais c'est pas mal plus agréable en tant que pilote, courser le soir, parce que la chaleur... Plus la chaleur est pas mal moins intense. Oui, c'est ça. Ouais. Exactement. Tu parlais d'adaptation aussi, puis ça. Est-ce que l'adaptation des circuits routiers va bien? Je sais que tu es un pilote qui vient quand même des ovales, puis tout ça. Comment ça va pour toi, l'adaptation des circuits routiers pour une saison complète? Ah, je pense que ça va assez bien, ça. Comme que j'ai dit tantôt, à mon sport, j'ai seulement coursé une fois là-bas, contrairement à Icar et à Trois-Rivières, où que ça fait 3-4 fois que je course sur chaque circuit. Puis on a quand même qualifié en pole position, mais on a mené un bon nombre de tours. On était vraiment la voiture dominante sur la piste. Donc je pense que ça augure bien. Je suis vraiment content de mes performances sur le circuit aussi. Il reste juste à performer bien sur les ovales aussi. C'est là que j'ai le plus d'expérience. Donc puis en plus, comme la semaine dernière, on avait quand même très bonne. On avait une bonne voiture, on était très rapide, hein, la malchance. Donc non, je pense que c'est vraiment avoir de la chance de notre côté, on va avoir des bons résultats sur peu importe quelle sorte de piste. Bien, on espère que la chance va être de ton côté, justement, cette fin de semaine, à ta piste locale, comme tu le dis. C'est quoi le défi en fin de semaine? C'est on la remporte, celle-là, du côté de Vallée-Jonction? Oui, c'est certain qu'on veut la remporter, mais c'est de voir aussi, parce que des fois, on se bat avec des gars qui sont hors championnat un peu, donc pas prendre un trop gros risque. Même se contenter d'un top 3, ça serait très bon, mais je ne suis pas inquiète qu'on ait l'équipe et la voiture pour gagner la course en Madeleine. La série a beaucoup de compétitions cette année. C'est vraiment des gars qui sont habitués. Comment toi, tu le feels? Tu te sens bien par rapport à ça? Ouais, c'est le fun. Je pense que c'est on a vraiment la série primaire au Canada, la série primaire de NASCAR au Canada. Donc, c'est le fun d'avoir les meilleurs pilotes dans cette série-là. C'est un challenge qui vient s'ajuster, mais non, moi, c'est ça. Au moins, moi, ça me dérange pas de courser avec les meilleurs pilotes, mais en tant que tout le monde se respecte, c'est le fun. Là. Oui, ça, c'est ça. C'est des meilleures courses. Oui, exactement. C'est pas du derby de démolition. Non, non, non. Alex, on te souhaite la meilleure des chances cette fin de semaine du côté de Vallée-Jonction. Je crois que l'horaire commence en début de journée aux alentours de midi. Oui. Puis comme on le disait, le verre va être à 20h. Alors, on te souhaite la meilleure des chances et beaucoup moins de bad luck ce vendredi. Oui. Du côté de la série NASCAR Pinties. Parfait. Merci, Daniel. Merci beaucoup. Salut. Bye-bye. Alors, la série NASCAR Pinties, Alex le disait lui-même, il y a vraiment beaucoup de compétition de ce niveau-là. On le sait, la dernière fois où que Vallée-Jonction était à l'horaire en temps normal, il n'y avait pas beaucoup d'inscrits à la liste. Il y avait aux alentours de 13-14 pilotes qui étaient simplement inscrits apparemment. Apparemment, je dis ça, là, c'est des rumeurs de médias sociaux. Alors, j'espère que c'est pas trop dans le champ. Mais on aurait plus d'inscrits à cette date-ci pour l'événement de vendredi. Qui va être, mon Dieu, quasiment une célébration de la Saint-Jean-Baptiste du côté de Vallée-Jonction à Chaudière. L'autodrome Chaudière qui est vraiment tout le temps rempli à ras-bord pour la série NASCAR Pinties. C'est toujours un excellent spectacle. Alors, j'ai bien hâte de voir comment le pilote local, Alex Labbé, va performer. Il le disait lui-même un petit peu, c'est de la bad luck durant les derniers événements de la saison. Mais on espère que du côté de la piste locale, ça va bien aller. On sait que c'est une piste qui est quand même assez très, très courte. Je pense que c'est les pilotes, ils roulent 15 secondes autour. Alors, puis, il y a aussi pas un hic, mais il y a une particularité au circuit de Vallée-Jonction, c'est qu'il n'y a pas de ligne des puits à l'intérieur du circuit. Le circuit est trop petit, alors on fait vraiment la ligne des puits à l'extérieur. Et ça donne qu'en plein milieu de la course, on arrête la course, on fait vraiment rentrer toutes les voitures, on fait les ajustements, on fait les changements de pneus, on va mettre l'essence à ce moment-là dans les voitures. Alors ça ajoute une espèce de challenge parce que c'est comme si on faisait deux courses vraiment distinctes et qu'on mettait les résultats ensemble. Alors ça donne toujours un spectacle très très enlevant. Je pense que les spectateurs qui sont là sont toujours très content de voir cet arrêt au puits là sous cette forme là. C'est sûr que pour les pilotes, c'est peut-être un petit peu moins bon. Il y a certains pilotes qui aiment moins ça parce qu'évidemment tout le monde arrête en même temps. Donc le côté stratégie de la chose est beaucoup moins là, mais j'ai bien hâte de voir justement comment Alex Labbé va s'en sortir parce qu'on se souvient l'année dernière, il avait mené l'épreuve pendant un très bon bout de temps et il avait terminé deuxième sur le podium à la fin de l'épreuve. Bien hâte de voir comment Alex va s'en sortir du côté de vendredi et comment les autres aussi vont s'en sortir. On se rappelle la semaine dernière, j'avais parlé avec Andrew Ranger qui lui aussi me disait que ça ajoutait un challenge de plus, la ligne des puits à l'extérieur, que la stratégie doit changer, que le drapeau vert à 8 heures le soir aussi change quelque chose sur certains ajustements de la voiture. Alors, si jamais vous êtes du côté de Vallée-Jonction en fin de semaine, vous êtes dans le coin, vraiment prenez le temps de passer votre Saint-Jean-Baptiste sur une piste, sur une piste de course. Vous allez probablement adorer votre expérience. Les gens de Vallée-Jonction sont super accueillants et vous allez avoir certainement un bon spectacle. Au retour de la pause, on va faire le tour du web et on va parler justement de la fameuse équipe NASCAR Québec. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on sera au retour parce que présentement, on va aller écouter du Dan Davidson avec la pièce Found. Si vous étiez en onde hier pour l'émission Assemblage requis, c'est une pièce que j'ai fait découvrir à certains de nos auditeurs et j'ai décidé de vous la faire découvrir aussi parce que je l'aime bien et je trouve que ça sonne très, très gros hit d'été country. Alors, Dan Davidson avec la pièce Found, on se retrouve tout de suite après. Well, it might be the whiskey talking, might be the wine, but I think that I found someone I can settle down with all my life. Once bitten and twice shy, I've been through the worst, now I wanna make you mine. I've been broke down maple tree, a country house and a family. We can have that beautiful life. Well, in my maple tree, a country house and a family, we can have that beautiful life. Well, in my middle whiskey talking, my middle wine, but I think I've found someone I can settle down with all my life. I've been running from the light, only darkness till you came around. Maple tree, a country house and a family, we can have that beautiful life. Well, in my middle whiskey talking, my middle wine, but I think I've found someone I can settle down with all my life. I've been running from the light, only darkness till you came. C'est le dernier segment d'En Piste avec Tania Baudin sur les ondes de Cifou 89.1 FM. C'était la pièce Found de Dan Davidson. Si vous êtes un accro de country comme moi, vous avez certainement aimé cette pièce-là. Vous devez absolument dire que j'ai raison lorsque je dis que ça sonne gros hit d'été. J'ai vraiment l'impression que c'est le style de musique, de pièce musicale que vous écoutez à fond la caisse dans votre voiture si jamais vous faites un road trip. Je trouve tellement que ça fit. Ça fit? Ça n'a aucun bon sens. Alors, dernier segment, comme je le disais, on va discuter de l'équipe NASCAR Québec. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça l'a sorti hier un petit peu partout sur les médias sociaux, les réseaux sociaux. On se demande vraiment qu'est-ce que c'est. Eh bien, très, très simple, je vous explique. C'est quatre circuits québécois qui ont décidé de lancer l'équipe NASCAR Québec afin de rassembler vraiment tous les amateurs de NASCAR de la province. Alors, il y a le Grand Prix de Trois-Rivières qui est en collaboration avec l'Autodrome Chaudière, le circuit Icar et l'Autodrome Saint-Eustache. On profite vraiment de la première course qui va être en fin de semaine, vendredi, du côté de Chaudière, avec la série NASCAR Pinties, pour mettre sur pied cette fameuse équipe-là. C'est un nouveau regroupement pour les amateurs de NASCAR québécois de la série. On permet, en fait, à tous ceux et celles qui vont passer par le club pour se procurer des billets pour au moins 3 des 4 événements de la série, de bénéficier d'avantages exclusifs. Donc, qu'est-ce que c'est, ces fameux avantages-là? Quelques exemples, vous allez avoir un t-shirt exclusif aux couleurs de l'équipe NASCAR Québec. Vous allez avoir certains items de la série NASCAR pour placer vos billets à l'intérieur. Vous allez avoir aussi un emplacement réservé et commun avec les autres membres à toutes les courses. Donc vraiment, c'est comme un club. Je veux pas dire un club med, là, non, vraiment pas. Un club select. Tu sais, dans le temps, on disait un gentleman's club, là, mais ça ressemble quasiment à ça. Mais c'est vraiment un club select pour pour les amateurs de NASCAR au Québec et vous allez pouvoir avoir des rencontres exclusives avec des pilotes de la série NASCAR Pinties. Alors, les quatre courses éligibles aux billets de la saison sont vraiment celles du 24 juin à l'Autodrome de Chaudière, donc ce vendredi, le 3 juillet au circuit Icar, le 12, 13 et 14 août du côté du Grand Prix de Trois-Rivières ici, le 10 septembre à l'Autodrome Chaudière. Et pour se procurer ces fameux billets de saison-là et devenir membre de l'équipe NASCAR Québec, eh bien, vous les chers amateurs de NASCAR, vous avez qu'à vous adresser au Grand Prix de Trois-Rivières par courriel à info@gp3r.com ou encore par téléphone au 819-370-4787 d'ici le 30 juin, là, donc d'ici demain. D'ici demain, si jamais ça vous tente de devenir membre exclusif de l'équipe NASCAR Québec. Je trouve que c'est vraiment une très belle initiative. Je trouve vraiment que ça va faire regonfler l'engouement des gens qui aiment le NASCAR au Québec. On le sait bien souvent, c'est ça qui arrive, c'est qu'on doit acheter chaque billet individuellement. On peut pas nécessairement se procurer des billets pour toute la saison. C'est pas comme une saison de hockey où qu'on peut dire « Ah, ben moi, j'ai des billets de saison ». Ça fonctionne pas nécessairement comme ça du côté de la course automobile, alors qu'on mette sur pied l'équipe NASCAR Québec pour mettre davantage et d'avant nos événements ici au Québec. Je trouve ça merveilleux. Félicitations à chaque piste qui ont décidé de mettre ça de l'avant. On disait aussi qu'on allait faire le tour du web, alors c'est maintenant le temps. Sur Eurosport.fr, on parle du 24 heures du Mans. On parle surtout, de la victoire de Porsche, mais de la surprise qu'Audi a causée en étant beaucoup moins performant que les années d'avant. Alors j'explique, la 84e édition de la plus grande course au monde promettait, en fait, d'être exceptionnelle. Elle l'a vraiment été, mais pas forcément pour les raisons attendues. On s'entend, le monde du sport auto s'attendait et vraiment espérait une bagarre des trois plus grandes écuries de l'endurance de ce côté-là, c'est-à-dire Audi, Porsche et Toyota. Mais beaucoup trop vite, genre très, très vite, le constructeur a disparu des avant-postes. Et là, on parle du constructeur Audi. Donc, les 24 heures du Mans sont chaque année vraiment révélatrices des mauvais choix techniques, peut-être, qu'on prend par chaque équipe. Toyota et Nissan ont vraiment pu constater tout ça l'année dernière parce que pour eux, ça avait mal été. Mais ce week-end, c'est vraiment Audi qui a perdu ce fameux combat-là de la technologie et la marque avait certainement pas connu pareil déception depuis 2009. Alors, c'est un renouvellement quand même assez manqué. La firme allemande a effectué de profondes modifications sur la R18. D'abord pour se renouveler après l'année victorieuse de l'ennemi Porsche. Ensuite, pour s'adapter aux nouvelles exigences du règlement WEC. Et l'équipement a opté pour une refonte complète du modèle aérodynamique. Donc, de ce côté-là, on sent que ça a peut-être moins bien fonctionné. Ils ont aussi mis au point un bloc propulseur qui était censé diminuer la consommation de 10%, mais vraiment tout en délivrant des chevaux vapeur aussi performants qu'en temps normal. Alors visiblement, les deux prototypes n'ont pas vraiment accepté cette fameuse modification-là. Et en aucun moment cette semaine, Audi a semblé être en mesure de titiller les adversaires qui étaient sur la piste. La seule vraie séance de qualification qui était la première, les autres ont par la suite été perturbés par la pluie. Ça a été un échec vraiment parce que les Audi arrivaient, ont dû se contenter de la troisième ligne. La course, elle, a été désastreuse. Et vraiment, si vous allez voir sur le site de Eurosport.fr, vous avez des opinions de l'équipe, puis vous avez, c'est un petit peu dur comme article, mais ça dit ce que ça a à dire. On croyait, on espérait qu'Audi allait bien faire et malheureusement, ça s'est pas super bien passé de ce côté-là. Il y a aussi du même côté, 24 heures du Mans, il y a Toyota qui a bien fait jusqu'à temps qu'il arrive une panne. Sur le dernier tour. Alors, Toyota n'a toujours pas donné d'explication précise sur l'origine de la panne de la hybride numéro 5. Là, on est du côté de flagworld.com. Il y a le constructeur japonais qui poursuit vraiment ses recherches concernant l'arrêt en piste de la Toyota. On on aimerait, comme l'image de la 84e édition du 24 heures du Mans, que ça soit mieux passé, mais malheureusement, la marque japonaise a manqué sa première victoire dans la Sarthe en rencontrant un mystérieux problème mécanique à seulement 3 minutes du drapeau à damier. Donc, ça l'a laissé la Porsche 919 hybride numéro 2 de Romain Dumas de décrocher la 18e victoire pour Porsche sur le circuit Manceau. C'était très, très près pour l'écurie Toyota, mais malheureusement, ça panne. Panne, tout simplement, on ne peut pas dire autrement. Toyota vraiment continue d'enquêter pour identifier l'origine du problème survenu sur la LMP1 numéro 5. Si le constructeur asiatique avait déjà rencontré des problèmes de fiabilité aux 6 heures de Spa en mai dernier, il ne semble pas qu'il y ait de lien avec le malheur qui est arrivé du côté du Le Mans. L'équipe dit « Nous avons eu une perte soudaine de puissance. » Donc, nous continuons d'enquêter pour identifier l'origine précise d'un problème jamais rencontré auparavant. Nous donnerons de plus en plus information le moment venu. Alors vraiment, on ne sait pas nécessairement qu'est-ce qui s'est passé. Ça l'a vraiment fait beaucoup d'émoi parce que tout à l'heure, je vous parlais du fameux site WTF1 qui est surtout concentré sur la Formule 1, mais justement, sur ce site-là, si vous allez faire un tour, vous allez voir qu'à un certain moment, après la course de Formule 1, on le sait, la fin du Le Mans terminait pendant la course de la Formule 1 et c'est comme une première parce qu'avant ça, les deux concordaient pour que dans les horaires, les gars en F1 puissent voir la fin du Le Mans. Mais malheureusement, cette année, ça s'est pas fait. Alors, Sébastien Vettel est arrivé tout simplement en conférence de presse et a levé la main lui-même pour poser une question aux journalistes. C'est vraiment très rare. Moi, Sébastien Vettel, en conférence de presse, il me fait tout le temps rire. Alors, Sébastien Vettel a levé la main. Il a tout simplement demandé « Est-ce qu'on peut me dire qui a gagné le 24 heures du Mans? » Alors, ils ont dit que c'était Porsche à la suite que Toyota ait eu une panne inexplicable. Et la première réaction de Sébastien Vettel a été de dire « Non, fuck! » Puis par la suite, il s'excuse parce qu'il se rend compte que ce qu'il dit, ça se dit pas nécessairement devant les journalistes. Mais c'est très, très drôle parce que c'est là qu'on se rend compte que lorsqu'on est amateur de course automobile, on veut vraiment suivre le plus grand nombre de séries différentes. Et c'est là qu'on veut savoir justement qu'est-ce qui se passe du côté technologique. Tout le monde pensait que Toyota allait mettre la main sur la victoire cette année et ça s'est pas produit. Et Toyota ne sait même pas encore comment est-ce que ça s'est produit. Alors, c'est un petit peu désolant de ce côté-là, mais c'est la vie. C'est le merveilleux monde du sport automobile. Du côté de Pole Position Magazine, on parle de Lance Stroll qui, lui, va tenter d'augmenter son avance au championnat de F3 ce week-end. C'est un article fait par Eliane Gillin. Alors, je vous le lis rapidement, vitement bien fait. Alors que les prochaines courses de Lance Stroll se dérouleront la fin de semaine prochaine en marge du DTM, donc les 25 et 26 juin sur le circuit urbain de Nürburgring, en Allemagne, le jeune Canadien montréalais Lance Stroll va vraiment tenter de garder son avance en tête du championnat des pilotes de la série internationale de Formule 3. L'année dernière, il avait fait deux top 6 lors de sa première année en saison dans la série sur ce circuit. Le pilote de Mercedes numéro 1 de l'équipe Prema Power Team est vraiment confiant. Il dit lui-même que ça va être sa deuxième fois sur le Nürburgring qui présente un tracé assez unique. C'est la seule piste au calendrier qui contient seulement 4 virages, mais qui présente tout de même un grand défi à cause des voitures qui sont si proches l'une de l'autre. On le sait, Lance Stroll, l'année dernière, a eu quelques incidents justement à cause de cette proximité-là entre certaines voitures. Alors, on espère que tout va bien se passer cette année. Stroll a obtenu 9 top 5 et 3 victoires à date cette saison. Ça le place vraiment en tête du championnat avec 166 points, une avance de 38 points sur la personne qui est en deuxième position. C'est d'ailleurs des exploits en piste de cette saison qui ont attiré l'attention vraiment sélecte sur le pilote. J'ai hâte de voir où est-ce que Lance Stroll va pouvoir nous amener. Il l'a lui-même dit en conférence de presse durant le Grand Prix du Canada qu'il ne se sentait pas nécessairement prêt à faire le saut dès l'année prochaine en Formule 1. Lui-même aimerait peut-être rester pour un autre championnat en F3 ou monter d'un grade, mais j'ai l'impression qu'on met beaucoup de pression sur Lance Stroll pour qu'il puisse faire le pas vers la Formule 1 dès l'année prochaine. Moi, je dis que si Lance Stroll veut pas faire le pas immédiatement, c'est peut-être une bonne chose. C'est peut-être une bonne chose. Je pense qu'il y aurait beaucoup à gagner de ce côté-là. Encore sur poleposition.ca, on parle de la fameuse série Saudi World Series. Je vous explique, c'est une série de courses, de location. Alors, ce sont vraiment des cartes de location, mais il y a un championnat mondial et il y a 12 pilotes canadiens qui vont participer à la grande finale cette année. C'est encore une fois un article d'Éliane Gillin. Ça va se produire les 7, 8 et 9 juillet prochains. La compétition va être du côté... je pense que c'est du côté de la France. C'est au circuit Racing Kart de Corneille, à 25 minutes de Paris exactement. Il y a 12 Canadiens qui se sont qualifiés pour l'événement et 11 de ces 12 pilotes-là viennent tout droit de la fameuse piste dont je vous parlais tout à l'heure, Karting Château-Richer, et un simplement de la région de Montréal. Donc, dans cette délégation-là, il y a 3 pilotes de l'équipe de karting, les touristes. C'est l'équipe gagnante de l'édition 2016 des 4 heures de pole position en février dernier. Il y a Danny Saint-Hilaire, champion du monde des COD World Series et champion canadien. Gabriel Gagnon, pilote d'endurance de karting. Steve Mador, qui est classé 6e au Canada présentement. Ils vont tous être en piste en juillet pour viser les honneurs de cette série-là. Et je dois dire que vraiment, en France, la série COD World Series, c'est très, très gros. Ça s'étend vraiment dans un vaste réseau mondial. Ça a 3400 membres qui courent sur 220 pistes différentes à travers le monde. Alors, cette série-là, c'est vraiment une belle façon de faire du sport automobile à bas prix. Je le répète, c'est des cartes de location, mais c'est comme l'article dit, ça coûte pas nécessairement extrêmement cher comme le niveau compétitif. Et pourtant, ça nous amène vraiment à voyager et à pouvoir aller compétitionner sur d'autres pistes. Alors, c'est vraiment cool. Ça se divise en 3 classes différentes. C'est la Sprint Cup. C'est une course individuelle pour adultes de plus de 15 ans. Il y a l'Endurance Cup qui, elle, est une course d'équipe. Et là, il y a la Junior Cup pour les pilotes entre 7 et 14 ans. Donc, il y a 2 pistes au Québec qui participent vraiment à ce championnat-là. Comme je l'ai dit, il y a le karting Château-Richer et il y a aussi Saint-Roch de la Chigan du côté de Montréal, un petit peu plus du côté de la ville de Montréal. Et c'est vraiment pas très, très cher. Alors, si jamais ça vous intéresse, allez faire un tour sur le site de poleposition.ca. Vous avez quelques informations par rapport à la série en fin d'article. C'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Du côté, il me reste genre 3 minutes, là, je fais ça super rapidement. Du côté de frmotorsport.com, on parle du retour de Joseph Newgarden en IndyCar, le pilote qui a été blessé à la clavicule et à la main après un terrible accident du côté du Texas. Et bien pourtant, il dit qu'il est prêt à retourner en piste et il espère le faire cette fin de semaine du côté de Road America. Moi, je ne sais pas comment il va faire. J'ai simplement une dislocation de la clavicule puis j'ai encore de la difficulté à vivre. Alors, du côté de Joseph Newgarden, c'est sûr qu'on a des médecins assez qualifiés. On a une endurance aussi d'entraînement assez qualifié. On est suivi. Mais ça reste que c'est une fracture de la clavicule. Ça s'est passé il y a genre 2 semaines. Mais bon, une situation similaire était arrivé vraiment à la légende Mario Andretti en 1985. Il a roulé à Pocono 2 semaines après une blessure au Michigan et il en a parlé à Joseph. C'est ce qui rend vraiment la chose faisable pour Joseph Newgarden. Mais Andretti avait la chance de rouler sur un ovale lors de l'épreuve et c'est pas le cas du côté de Road America. Alors, on a hâte de voir si Joseph Newgarden va être de la ligne de départ de ce côté-là. On ne sait pas. J'espère pour lui. Du côté de flagworld.com, j'y reviens très, très rapidement. On parle de la biographie de Jeff Gordon du côté de NASCAR. Le quadruple champion de la NASCAR promet aux gens de pouvoir lire des choses sur lui comme jamais auparavant dans sa biographie qui va sortir le 18 octobre prochain. Donc, c'est Joe Garner qui a eu la lourde tâche, mais le bonheur probablement, d'écrire la biographie de Jeff Gordon, un livre dont le préface est signé Tom Cruise. C'est excitant. Ça, moi, j'ai hâte de lire ça. Donc, la biographie va s'appeler Jeff Gordon, His Dream, Drive and Destiny. Et la biographie est vraiment un travail de plus de 15 mois de l'auteur du New York Times. Alors, j'ai très, très hâte de voir ça. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de l'émission. On va se retrouver la semaine prochaine, ça c'est sûr et certain. On va laisser la place aussi à Mathieu Plante de s'installer confortablement pour le Mathieu Plante Show. Et si jamais ça vous intéresse, bien restez en onde parce que dans quelques instants, je vais être invitée dans l'émission à Mathieu Plante Show. On va jaser de jeux vidéo de course automobile. Alors, on va se laisser ensemble avec une pièce de Low Cash qui s'appelle « I love this life ». Bye tout le monde! On my jeans, yeah, I roll like that. I love driving my truck. right back. I love a fresh cut field with a first frost on. How it shines like gold when the sun turns on. I love the sound of them wheels, my baby singing along. When boys, the summer comes on. I love a small town world. I love a country girl. I love a Friday night. Man, I love this life. Sound of an old dirt road rolling through my mind. Man, I love, man, I love, man, I love this life. I love that county line bar where they all know my drink. The way she throws her hands up and that cover band. My whole world back in my innocent days. I love that little white church out on 109. It's where I hit my knees and I thank the Lord for this life of mine.